Il faut le proclamer hautement. Jamais voyageur n'avait fait accomplir un tel pas à la géographie physique et à toutes les sciences qui en sont voisines. Humboldt est le type accompli du voyageur. Bonjour à tous, bienvenue dans la Marche des sciences qui s'intéresse aujourd'hui à un des plus grands savants de son temps, Alexandre de Humboldt. À l'image de Jules Verne, beaucoup ont vu en lui et voient encore le voyageur explorateur. L'homme qui a arpenté pendant plus de 5 ans les colonies espagnoles d'Amérique à la découverte du Nouveau Monde. Mais c'est à un génie de la science que nous avons affaire. Un savant universel, intuitif, visionnaire et qui a voulu tout englober dans son approche de la physique du monde. Un personnage qui fut précurseur de nombreuses sciences telles l'écologie, la climatologie, la géographie moderne, l'océanographie, l'ethnologie, l'anthropologie, l'archéologie américaniste et a fait aussi avancer d'autres disciplines comme la cartographie, la physique, le magnétisme ou encore la volcanologie. Savant atypique, il n'a pas appartenu à une science en particulier, mais il s'est mêlé de tout. Ainsi, à l'occasion de la réédition en 13 volumes de ses récits intitulés « Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent », écrit entre 1799 et 1804 avec Aimé Bonpland, ces volumes sont donc réédités chez Slatkin et nous avons eu l'envie de vous raconter l'homme, le personnage, son univers de science au pluriel. Pour ce faire, nous avons avec nous, en direct du studio 167 de France Culture, deux historiennes des sciences, Mireille Gaillet, paléo-ichtyologue, auteur du livre Alexandre de Humboldt, le dernier savant universel, un livre paru chez Vuibert, c'était en 2006. Elle sera en duplex de France Bleu Lyon et Valérie Chansigaud à mes côtés, spécialiste de l'histoire de l'environnement, auteur de l'histoire de l'ornithologie, également de l'histoire de l'illustration naturaliste, ces deux livres étant parus chez Delachaux et Niestlé, et présent aussi dans le studio, le comédien Jean-Christophe Lebert. Et en seconde partie d'émission vers 14h48, en partenariat avec le magazine Pour la Science, nous nous intéresserons aux itinéraires des idées ou comment l'affaire de la gale est l'histoire d'un concept scientifique. Ceci pour reprendre le titre d'un article écrit par Danielle Gesquier-Pourcin. Elle est chargée de recherche à l'INSERM, membre du RESAIS du CNRS à l'Université Paris 7. Et donc elle va nous raconter l'histoire de cette maladie et de quelle façon cette maladie a eu raison d'un pauvre thésard. On en parle dans 45 minutes avec l'auteur. Mais pour l'heure, rencontre avec Monsieur de Humboldt. Par les vicissitudes de ma vie et une ardeur d'instruction dirigée sur des objets très variés, je me suis trouvé engagé à m'occuper, en apparence presque exclusivement et pendant plusieurs années, de sciences spéciales, de botanique, de géologie, de chimie, de positions astronomiques et de magnétisme terrestre. C'étaient des études préparatoires pour exécuter avec utilité des voyages lointains. J'avais cependant, dans ces études, un but plus élevé. Je désirais saisir le monde des phénomènes et des forces physiques, dans leur connexité et leur influence mutuelle. Jouissant dès ma première jeunesse des conseils et de la bienveillance d'hommes supérieurs, je m'étais pénétré de bonne heure de la persuasion intime que sans le désir d'acquérir une instruction solide dans les parties spéciales des sciences naturelles, toute contemplation de la nature en grand, tout essai de comprendre les lois qui composent la physique du monde, ne serait qu'une vaine et chimérique entreprise. Alexandre de Humboldt, c'est lui qui a écrit notamment ce texte, beaucoup d'autres. Valérie Chansigaud, bonjour. Bonjour. Alors, on attend que la ligne soit établie avec France Bleu Lyon pour retrouver Mireille Gaillet de son côté, elle aussi spécialiste d'Alexandre de Humboldt et fascinée par cet homme. Alors vous, Valérie Chansigaud, donc j'ai dit au début de l'émission, vous êtes une spécialiste de l'histoire de l'environnement, vous faites partie de ces personnes fascinées par ce personnage. Comment vous l'avez rencontré précisément? C'est une bonne question. Je l'ai rencontré à la fois par son récit de voyage, qui est vraiment un grand moment de littérature, et également par les très nombreux, les innombrables témoignages d'admiration qu'il reçoit durant sa vie et après sa mort. On peut sans crainte dire que c'est le savant, le scientifique le plus célèbre et célébré au cours du XIXe siècle. 10 ans après sa mort, partout dans le monde, enfin surtout en Allemagne et aux États-Unis, il y a des commémorations pour sa mémoire. Et c'est vraiment quelqu'un qui a frappé un très grand nombre d'esprits. Je dirais que c'est un faiseur d'étincelles, c'est-à-dire il va provoquer chez ses lecteurs quelque chose qui va après se transformer en d'autres choses absolument fabuleuses. Et le nombre de personnes qu'il a peu ou prou influencé est vraiment absolument considérable. Alors, en sachant qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment que Alexandre Humboldt est plus connu des spécialistes des sciences que des historiens ou de ceux qui s'intéressent à cette grande histoire de France, tout simplement. Oui, d'autant qu'il a des relations très très fortes avec la France. C'est un grand admirateur, même s'il est déçu par son évolution par la Révolution. Il va d'ailleurs voyager en France à ce moment-là avec son ami Forster. Et il va d'ailleurs, porter dans ses écrits une partie de certaines des valeurs de la Révolution française. Il déteste, et le mot est pas trop grand, l'esclavage, mais il a également une vision extrêmement précise et en quelque sorte, elle paraît presque avant-gardiste du colonialisme, où il dénonce en particulier que les populations locales s'épuisent et épuisent la nature pour enrichir des personnes qui ne vivent pas à l'endroit où se trouvent les colonies. Mireille Gaillet, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, oui. Voilà, en duplex de nos studios de France Bleu à Lyon. On vous doit, de votre côté, un livre passionnant, très riche, qui parvient à rendre cette pluridisciplinarité et cette richesse de ce savant, comme vous l'avez nommé, universel, donc ce qui veut dire beaucoup, qui s'est emparé de pas toutes les sciences, mais quasiment, une biographie militante aussi, parce que dans le sens où vous avez voulu le faire sortir de cette image quasi exclusive d'explorateur voyageur qui lui colle à la peau, c'est vrai, mais nous l'offrir dans son habit véritablement de savant universel. Oui, absolument, parce que le problème, c'est qu'il a été reconnu en France il y a, disons, une vingtaine d'années, uniquement sur son voyage. Et si vous posez la question qui est Alexander Humboldt, on vous répond un explorateur. On vous répond pas un scientifique qui a abordé toutes les sciences. Je trouve ça très dommage. Et oui, alors il faut préciser, parce que là, on en parle comme d'un savant français, mais donc il était prussien. C'était le baron Friedrich Wilhelm Larn, Karl Heinrich Alexander von Humboldt, prussien de mère française, une mère puritaine, huguenote. Les relations avec sa mère n'étaient pas des plus tendre. Chaleureuse. Voilà. Et son père était plus ouvert, mais son père meurt alors que lui est jeune. Et donc, c'est cet homme qui était prussien d'origine, français de cœur. Oui, mais il était prussien. Le père était prussien. Il était chambellan, d'ailleurs, du prince impérial et commandant des armées. Et c'était effectivement un homme très ouvert, affable, généreux. Et les deux enfants avaient de très bonnes relations avec le père. Et effectivement, la mort du père quand Alexandre a 9 ans, c'est un choc très violent, d'autant que la mère ne va pas du tout compenser les mouvements affectifs et les marques de tendresse étaient plutôt absentes de son côté. Et alors vous, Mireille Gaillet, puisque là, on s'intéresse un petit peu non seulement au personnage, mais à l'homme aussi méconnu, et comme je disais, qui a tendance à rester cantonné dans cette histoire des sciences, alors qu'il pourrait prendre sa place plus largement dans l'histoire générale. Vous l'avez rencontré, non pas en France, mais aux États-Unis. Non, pas aux États-Unis, en Amérique du Sud. Ah, en Amérique du Sud, d'accord. En Amérique du Sud. Non, je travaille en tant que paléo-ichtyologue, j'ai travaillé en Amérique du Sud. Et je me suis intéressée à Humboldt, pour deux raisons. D'une part, parce que Darwin était très intéressé par lui. Et donc, en tant que paléontologue, j'étais très intéressée par Darwin, bien sûr. Et ensuite, parce que j'ai découvert en Amérique du Sud un poisson très particulier, qui sont un fossile d'anguille électrique. L'unique fossile au monde connu. Et les anguilles électriques sont des poissons très très particuliers qui ne vivent qu'en Amérique du Sud et qui ont cette particularité de décharger de l'électricité aux grandes dames de leurs prédateurs, bien sûr. Et Humboldt, qui à cette époque s'intéresse au fluide vital, c'est l'époque du vitalisme, on se demande, on veut connaître l'origine de la vie, il s'est intéressé bien sûr à l'électricité animale, et partant en Amérique du Sud, il s'est automatiquement intéressé aux gymnotes. Donc quand moi j'ai voulu étudier ce fossile, je me suis bien sûr, j'ai regardé qui avait étudié ces poissons, et je me suis à ce moment-là plongée dans les récits de Humboldt qui sont... Alors la pêche à l'anguille électrique est une narration absolument extraordinaire et très drôle. Enfin, drôle. Pas pour tout le monde, pas pour les chevaux qui sont jetés dans la mare. Mais ensuite, il y a les études scientifiques. Enfin, voilà. C'est comme ça que je me suis intéressée. Vous savez, vous prenez un chapitre et puis après, vous regardez un peu avant, le chapitre avant, puis le chapitre après. Et vous y avez passé 3-4 ans de votre vie pour nous raconter cette histoire et offrir cette biographie. Alors Alexandre de Humboldt, son apprentissage, il l'a fait lui-même, parce que on parle de ce génie des sciences qui va s'intéresser à la physiologie végétale très tôt, à l'électricité animale. Ça part de l'enfance? Non, je vais là en cette période de rentrée scolaire, je vais peut-être rassurer quelques parents inquiets sur le futur de leur progéniture, car Alexandre de Humboldt était un jeune enfant instable, maladif, souvent prostré ou au contraire en hyperactivité. Il n'arrivait pas à finir son travail, il n'arrivait pas à retenir ses leçons. Bon, faut dire qu'il suivait les mêmes cours que son frère qui avait 2 ans de plus et qui lui était vraiment très très très doué, mais il ne s'intéressait qu'à la nature. Sur toutes ses formes, on l'appelait le petit apothicaire parce qu'il faisait des collections de tout, et aux arts graphiques, c'est-à-dire qu'il dessinait merveilleusement bien dès son plus jeune âge, et il faisait portraits, paysages, objets. Et il voulait être soldat aussi. Voilà, c'était l'image. Et alors, il vivait dans ce château. Les deux frères, d'ailleurs, donc il l'appelle le château de l'ennui. Ils ont une enfance très très stricte où la seule chose qui compte, surtout après la mort du père, c'est uniquement le travail et les réussites. Et pour eux, c'est très très très pesant. Ils en parleront tout le long de leur vie de cette tristesse de leur enfance. Et heureusement, vers 16 ans, on ne parle pas de science du tout. Ils n'étudient pas les sciences, c'est la philosophie, les arts, l'antiquité, les langues, mais on n'étudie pas du tout les sciences à Berlin à cette époque. Et vers 16 ans, ils ont la possibilité, tous les deux, je dirais, de s'aérer du milieu familial et d'aller fréquenter les salons juifs à Berlin, qui sont à l'époque les seuls endroits où il y a de la vie intellectuelle, de l'ouverture. Et où, entre autres, le salon où il va, un médecin, Marcus Hentz, va lui montrer les sciences. Il y a des conférences de sciences, des expériences sur les sciences. Et là, Humboldt découvre les sciences et décide qu'il s'y consacrera. Et ce qu'il fera, on n'aura pas l'occasion de raconter toute sa vie trépidante dans le détail. Mais en tout cas, c'est vrai que ça part quand même de cette enfance. Il va diriger les mines aussi. Donc, après l'université. Ensuite, il y aura assez rapidement, pas à son goût, mais après la mort de sa mère, un héritage qui lui permettra d'envisager ce voyage qui va le faire naître quand même quelque part. Pour la communauté scientifique, même s'il existe déjà dans cette communauté avant. Valérie Chansigaud, avant de plonger vers le Alexandre de Humboldt, explorateur, voyageur, mais savant universel, surtout et avant tout, c'est un homme qui s'est aussi intéressé aux autres. C'est un homme de science, mais qui a un regard pour les autres, qui a des idéaux. Qui a des idéaux, notamment... qu'il découvre par lui-même et aussi à travers son amitié avec un autre savant, Forster. Forster, avec son père, avait participé à l'un des voyages de Cook. Et les deux hommes font un voyage extrêmement important qui les conduit notamment à Paris au moment de la période révolutionnaire. Et ensuite, lors de ses voyages, donc de ses 5 années dans les colonies espagnoles, il aura l'occasion de travailler sur les autres peuples, et il va être confronté à l'esclavage qu'il va rejeter. C'est dans ce sens-là que je disais, il a aussi ce regard sur les autres, il est humain. Dans son projet, d'ailleurs, fort, fort bien raconté tout à l'heure, son projet de science un petit peu globalisante et universelle, l'être humain n'est jamais exclu. Ça, c'est l'une des grandes particularités de sa démarche, de son travail. Oui. Il va toujours étudier le monde, et dans le monde, il y a l'homme. Et C'est pour cela qu'il va être un géographe assez exceptionnel. On considère que c'est l'un des pères de la géographie moderne, parce qu'effectivement, il y a cette dimension globalisante. Ses études, par exemple, sur Cuba ou la Nouvelle-Espagne, sont absolument réputées pour justement cette approche extrêmement riche. Il va étudier les statistiques, il va faire des comparaisons historiques, et toujours il y aura, je dirais, cette patte très particulière où il va dénoncer l'esclavage, où il va dénoncer, en fait, pour lui c'est clair, un État ne peut pas être prospère s'il y a de l'esclavage. Il faut rendre les hommes libres pour que les États puissent prospérer. Et comme je disais tout à l'heure, il y a en plus double la dénonciation du colonialisme. Un homme qui avait été fasciné aussi par la Révolution française, hein, et qui était ému de Diderot, de Montaigne, donc très sensible comme ça à cette... à la condition des autres, y compris quand il s'occupait des mines. Mais c'est pour ça que c'est un savant tout à fait à part, parce qu'il réalise une sorte de jonction entre le courant des Lumières, qui souhaite rationaliser le monde, et également le romantisme, parce qu'à chaque instant, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est souvent répété dans ses écrits, il est extrêmement important d'écouter sa sensibilité face au monde, au paysage et puis aux hommes. Il y a toujours cette dimension de sensibilité qui est inséparable pour lui de la démarche scientifique. Bien, écoutons-la, sa sensibilité, un texte qui nous rend compte aussi du but, du double but qu'il s'était donné dans ce voyage. Un voyage, je rappelle, le départ, c'était La Corogne, le 5 juin 1799, le retour à Bordeaux, le 3 août 1804. Je m'étais proposé un double but dans le voyage dont je publie aujourd'hui la relation historique. Je désirais faire connaître les pays que j'ai visités et recueillir des faits propres à répandre du jour sur une science qui est à peine ébauchée et que l'on désigne assez vaguement par les noms de physique du monde, de théorie de la Terre ou de géographie physique. De ces deux objets, le dernier me parut le plus important. J'aimais passionnément la botanique et quelques parties de la zoologie. Je pouvais me flatter que nos recherches ajouteraient de nouvelles espèces à celles qui sont déjà décrites. Mais préférant toujours à la connaissance des faits isolés, quoique nouveaux, celle de l'enchaînement des faits observés depuis longtemps, la découverte d'un genre inconnu me paraissait bien moins intéressante qu'une observation sur les rapports géographiques des végétaux, sur les migrations des plantes sociales, sur la limite de hauteur à laquelle s'élèvent leurs différentes tribus vers la cime des cordillères. Mireille Gaillet, je me tourne vers vous. Je sais que vous avez, pendant ces 3-4 ans, arpenté beaucoup de centres d'archives, ces textes nombreux, parce qu'Alexandre Humboldt a été prolixe. Vous en connaissez beaucoup. Bon, c'est toujours magique d'entendre cette... Il avait une plume formidable. C'était un homme qui avait ce côté, comme disait Valérie Chansigaud, romantique. Vous en parlez comme d'un géopoète. Ce qu'il nous dit là, alors ce périple parcouru était immense. Mer des Caraïbes, Pacifique, 15 000 km, dont 2500 de navigation fluviale, Amérique du Nord, du Sud, les îles. Ce périple a révélé Humboldt en tant que physicien du monde. C'est-à-dire que le problème, c'est des définitions de ces sciences. Quand il parle justement dans la citation que vous venez de faire les noms de physique du monde, théorie de la Terre, géographie physique, il parle d'une science. C'est pas une science, ce sont toutes les sciences actuellement dont nous parlons. À l'époque de Humboldt, les sciences, les disciplines n'ont pas les définitions que nous leur donnons actuellement. Elles n'ont pas leurs limites. Elles vont être mises plus ou moins après. Donc, on parle de géographie physique, par exemple, mais quand il parle physique du monde, ça comprend la botanique, ça comprend la climatologie, ça comprend l'océanographie, ça comprend tout finalement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Humboldt, son but était de connaître la physique du monde. Il veut connaître le monde en tant que tout, avec un T majuscule, et il veut connaître toute la connexion entre tout ce qui se passe, tout ce qui existe sur Terre, entre toutes les sciences. Il dit que toutes ces sciences sont liées, et il a raison. Il veut en trouver les lois, il veut en comprendre le monde, et il veut que l'homme, comme disait Valérie Fancigot, effectivement, l'homme est là et c'est le seul à comprendre ça. Et à la fois, il s'y intègre, il est maillon, mais il n'est pas le centre. Alors, il ne part pas tout seul. Il part avec un autre homme, qui était Bonpland, voilà, et donc qui était médecin botaniste. Voilà, j'ai cherché. Tous les médecins étaient botanistes à l'époque. Oui. Et qui d'ailleurs avait été pressenti lui comme Alexandre Humboldt pour faire partie d'un voyage avec Bougainville, hein, c'est ça. Donc c'est à cette occasion qu'ils se sont rencontrés. Donc ils partent tous les deux aux frais de Humboldt. On l'a pas dit, mais c'est vrai que cette expédition, c'est lui qui va tout financer. Mais parce qu'il n'a pas réussi à appartenir à des expéditions, je dirais, gouvernementales. Au départ, son but, c'était de participer à une expédition gouvernementale, car il estimait d'abord que les moyens en hommes, en scientifiques et en matériel, en argent, disons, étaient beaucoup plus, bien sûr, conséquents que ce que lui pouvait faire tout seul. Mais ça n'a pas marché. Il n'a pas réussi à faire ses expéditions. Et quand il est en Amérique du Sud, quand il apprend que l'expédition de Bougainville, qui n'est plus dirigée par Bougainville mais par Boudin, doit faire escale à Lima, il redescend toute la cordillère des Andes pour aller essayer de récupérer cette expédition de par le monde et retourner, partir avec eux. Puis finalement, ça ne marche pas. Alors, dans ce voyage qui leur appartient à tous les deux, quelles méthodes vont-ils mettre en place et qui les différencient justement des autres scientifiques et qui vont permettre cette science globale? Alors, je dirais de toute façon, pour Humboldt, Aimé Bonpland, il est botaniste. Il prend les plantes, il les étudie, il n'est pas capable de les dessiner d'ailleurs du tout, il ne sait pas dessiner. À l'inverse de Humboldt. À l'inverse de Humboldt, qui fait des dessins magnifiques. Il dessine, j'ai dit, très très bien. Et en revanche, alors, ce que va faire Alexandre Humboldt, c'est que c'est un scientifique qui est merveilleusement préparé. Il a voulu, avant de partir, il est resté quand même entre la mort de sa mère, sa démission des mines et son départ. Il se passe 6 ans et demi. Et pendant ces années-là, il se forme à toutes les sciences. Déjà avant, à l'université, il avait déjà étudié d'une manière boulimique tout ce qu'il pouvait, les langues, les sciences, etc. Tout ce qu'il pouvait, qui était sans rapport avec son futur métier d'économiste. Et à ce moment-là, il se prépare au niveau instrumental. Ce qu'il veut, c'est mesurer la Terre. Il veut en faire des lois. Il veut donc prendre des mesures, mettre la Terre en équation en quelque sorte. Et pour ça, il va s'équiper d'un matériel absolument extraordinaire, meilleure facture. Ils seront solides, ils seront parfaitement étalonnés. Il y en a un nombre incroyable, d'autant plus qu'on se rappelle qu'ils sont en verre à l'époque et pas du tout miniaturisés. On se demande comment il a réussi à emmener tout ça en Amérique du Sud. Et ils sont donc parfaitement étalonnés et il sait parfaitement s'en servir. Et il va s'en servir tout le temps. Et ça, c'est une caractéristique du travail de Humboldt, c'est que non seulement il est donc très rigoureux, il mesure, il pèse, il prend les températures, il prend l'étude de magnétisme, d'hygrométrie, de tout, toutes les mesures qu'il peut faire, il les fait, il les consigne et il explique constamment au lecteur, il envoie d'abord des lettres en France et même après, il explique constamment, d'une part au lecteur et aux scientifiques qui vont le suivre, comment il a mesuré, pourquoi il a fait ça, ce qui fait que ceux qui travailleront derrière lui ne repartiront pas à zéro. Ils pourront critiquer ou confirmer ou infirmer ces données, mais ils sauront exactement d'où ils partent. Alors qu'avant, c'était vraiment un peu n'importe quoi. Et il envoie en double ou en triple exemplaire souvent les mêmes récits à des personnes différentes pour au moins s'assurer de l'arrivée de ces matériaux, qui sont des matériaux scientifiques, et qu'il veut absolument voir arriver en France, ou en tout cas chez les correspondants, pour pouvoir les récupérer après. Voilà, c'est parce qu'en fait, il a vraiment l'impression qu'un jour ou l'autre, il va disparaître en Amérique du Sud parce qu'il a quand même quelques séances. Il prend des risques quand même. Les jaguars qui ne sont pas tristes. Hein. Mais en revanche, que toutes ces données ne soient pas utilisées, que tout son travail ne soit pas utile à la société, pour ça, c'est impensable, inadmissible. Et par conséquent, il envoie pour être sûr que ça ne parte pas au fond des mers ou que ce ne soit pas atteint par l'humidité ou n'importe quoi. Il envoie toutes ces données régulièrement à son frère, à des scientifiques en France et en Allemagne. À des correspondants. Valérie Chansigaud, d'où lui vient cette approche, précisément, on a parlé de l'écologie, d'où lui vient cette approche d'une pensée écologique qui était inconnue à son époque? Alors, les mots sont parfois un petit peu dangereux. Oui, parce que le mot écologie n'existait pas encore. Le mot écologie n'existait pas. Il n'existe qu'en 1866, je crois. Oui, avec Ernst Haeckel. Exactement. Et d'ailleurs, le mot qui apparaît à cette époque ne correspond pas à une discipline. Le mot a été inventé avant que les méthodes et le contenu ou les concepts de cette discipline soient déterminés. Ce qui le caractérise, c'est deux choses. C'est d'une part son intérêt pour la phytogéographie, on y reviendra peut-être, mais plus largement, cette approche qui se veut globale et globalisante va se retrouver effectivement dans un intérêt pour les questions lié à l'environnement, qui émerge justement à son époque et qui va être un souci de plus en plus important parmi les scientifiques et d'une façon générale dans les couches, je dirais, cultiver la société. Et c'est vraiment cette approche globale, et on le voit bien dans ses études qu'il fait par exemple sur Cuba, il y a toujours derrière ce souci effectivement des conséquences environnementales de l'action de l'homme. Et il y aura des pages, par exemple, où il va souligner l'aspect négatif de la déforestation. Et là aussi, il s'est nourri d'autres personnages. J'ai noté notamment l'influence de quelques écrivains sur lui, Jacques Bernardin, Henri de Saint-Pierre. Il a lu Paul et Virginie, il s'est nourri comme ça d'autres auteurs, d'autres scientifiques ou écrivains qu'il cite. Hein, Mireille Gaillet, vous ne me contredirez pas, je crois, qu'il cite à bras le corps, à bras le cœur, dans ses écrits. Il cite tout le monde, il se nourrit et il va plus loin. Oui, voilà, il a tout lu, il a tout enregistré, il a tout compris et il retient tout. Et il recite ensuite, après, tout ce qu'elle a... Il cite tous les auteurs où il a pris des idées. Mais vous savez, aucune science n'apparaît comme ça ex nihilo. Mmh. Il est évident qu'avant Humboldt, il y a toujours... Il y a de nombreux scientifiques ou, disons, humanistes ou ce que vous voulez, qui ont un jour ou l'autre eu une idée sur la phytogéographie, une idée sur le magnétisme, une idée sur la géologie. C'est pas lui qui a tout inventé, hein, le savon au fond de la baignoire ou la pomme sur la tête, ce sont des images quand même qui sont faciles à comprendre, mais ouais. c'est pas ça l'arrivée d'une science. Mais c'est un précurseur, y compris en volcanologie. Je vous propose de l'entendre à nouveau dans le texte. Si d'un côté, la chaleur centrale de notre planète se rattache à la production des courants électromagnétiques et de la lumière terrestre qui naît de ces courants, sous un autre point de vue, elle se présente comme la source principale des phénomènes géognostiques. Nous nous proposons de considérer actuellement ces phénomènes dans leur enchaînement et dans leurs phases diverses, depuis l'ébranlement purement dynamique et le soulèvement des continents ou des chaînes de montagnes, jusqu'à l'éruption des gaz et des vapeurs, des boues chaudes, des roches ignées ou des laves en fusion, qui se transforment par le refroidissement en roches cristallisées. Ce ne fut pas un mince progrès pour la moderne géognosie, la partie minéralogique de la physique terrestre, que d'avoir constaté ces enchaînements de phénomènes. On a pu renoncer désormais à ces vaines hypothèses qu'on imaginait autrefois pour expliquer une à une les révolutions de l'ancien monde terrestre. Mireille Gaillet, il arpente les volcans, notamment en Équateur, le volcan Chimborazo. Il y en a beaucoup, hein. Il y a toutes les sortes de volcans en Amérique du Sud. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on connaissait bien les volcans. Le Vésuve, l'Etna étaient étudiés, enfin on les avait déjà, on les connaissait. Mais personne n'avait fait de relation entre les volcans et les tremblements de terre, par exemple. Mmh. Entre les tremblements de terre et les sorties d'eau chaude ou de vapeur. Et c'est là que lui, il est extraordinaire. C'est ce pouvoir, justement, de relier les faits. C'est ce qu'il veut faire dès le départ. Hein. Et il a tous les faits, il les observe, il accepte ceux de ses prédécesseurs s'il est juste valable. Il fait d'autres observations et ensuite il synthétise et il a un pouvoir de synthèse qui est absolument extraordinaire. Eh oui, inventorier la nature, tout en cherchant à en comprendre le sens. Donc un homme qui a été le premier à dégager aussi des concepts, hein, les terres froides, les terres chaudes, les terres tempérées. Mmh. Il nous offre des tableaux complets de reliefs, la géologie fait avancer toutes les sciences qu'on a déjà citées avec cet appétit encyclopédique. Et, et puis, en tout cas, ce qui le servira aussi dans sa démarche, on en parlera juste après la pause, c'est qu'il n'était pas déiste. Il est 14h et presque 32 minutes. Vous êtes sur France Culture. Bienvenue dans la Marche des Sciences. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct du studio 167 avec deux invités et deux historiennes des sciences. Mireille Gaillet, paléo-ichtyologue, auteur du livre Alexandre de Humboldt, le dernier savant universel, un livre qui est sorti chez Vuibert, c'était en 2006. Et Valérie Chansigaud, spécialiste de l'histoire de l'environnement, auteur de l'histoire de l'ornithologie, également auteur d'un livre sur les illustrations. Je retrouve le titre, Histoire de l'illustration naturaliste. Et c'est paru, ces livres, chez Delachaux et Niesley. Et toujours à nos côtés, le comédien Jean-Christophe Lebert. Et vous venez d'entendre, vous entendez toujours, profitez-en, Songe d'une nuit d'été, Félix Mendelssohn, transcription pour deux pianos, interprétée par Martha Argerich et Christina Martin. Parce que, bien sûr, il y a toujours une raison dans ces pauses musicales, dans la marche des sciences. Mireille Gaillet, Humboldt détestait la musique quand même. Absolument. Alors pourquoi Mendelssohn? Il considérait que c'était une calamité, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui ne l'a pas empêché d'aider des musiciens pour obtenir des médailles ou des pensions. Oui. Mais alors pourquoi son rapport avec Mendelssohn? Tout simplement parce qu'en 1827, il est à Berlin, il est retourné à Berlin absolument désolé de quitter la France. Il est obligé de rentrer à Berlin parce que le roi de Prusse l'exige, parce qu'il a besoin de sa pension alimentaire, parce qu'il a dépensé tout son argent, soit en Amérique du Sud, soit pour ses publications en compte d'auteur, soit pour sa vie un petit peu dispendieuse à la recherche pour aider des jeunes gens à Paris. Et ensuite, il est donc retourné là-bas et il est absolument désolé parce qu'il a quitté tout un centre avec la société d'Arcueil. La société d'Arcueil, il faut le rappeler, donc, qui était une société de savants créée bien avant qu'il y ait une Académie des sciences. Pas tout à fait, mais plus la date, honnêtement. Bon. Quelques années avant. En fait, c'était une société où il y avait tous les scientifiques, Arago, Arago, etc. Oui, tout cela. Et il était, lui, en relation avec tous ces scientifiques. Et c'était absolument extraordinaire. Il travaillait avec eux, il discutait avec eux, et il faisait avancer la science. Lorsqu'il rentre à Berlin, il n'y a plus tout ça. Berlin est quand même. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de scientifique du tout, mais c'est quand même très, très terne. Et donc, il se met à travailler. Et entre autres, il se met à s'intéresser de nouveau, enfin, à ce qu'il avait déjà fait avant, le magnétisme. Il avait fait des mesures de magnétisme absolument partout en Amérique du Sud, en Europe. Et il avait l'intention, là, d'en faire pendant une semaine, de mesurer les variations du pôle magnétique avec une mesure tous les deux heures. Et c'est Abraham Mendelssohn, le père de Félix Mendelssohn, qui lui a prêté une, avec qui il était ami, qui lui a prêté une cabane au fond du jardin. Donc c'est assez amusant de savoir que Humboldt, qui était laissé la musique, était là en permanence à faire ses mesures pendant 7 jours et 7 nuits, toutes les 2 heures, avec pour fond musical les répétitions de Félix Mendelssohn. Voilà alors, pourquoi. On va écouter Humboldt nous raconter ses expériences sur le magnétisme tout de suite, grâce à Jean-Christophe Lebert. Lorsque je proposais pour la première fois de fonder un réseau d'observatoires, tous munis d'instruments semblables, je n'avais guère l'espoir de vivre pour voir mes vœux réalisés comme ils l'ont été en effet par les efforts réunis d'astronomes et de physiciens distingués et surtout par l'intervention généreuse et soutenue de deux grandes puissances, la Russie et l'Angleterre. Aujourd'hui, grâce au concours de tant de pouvoir et de tant de lumière, les deux hémisphères sont couverts d'observatoires magnétiques. J'avais formé le projet d'observer sans interruption la marche de l'aiguille aimantée pendant 5 ou 6 jours et autant de nuits, principalement à l'époque des solstices et des équinoxes. Et j'avais mis ce projet à exécution à Berlin en 1806 et en 1807 avec mon ami et collaborateur Holtmanns. J'étais persuadé qu'une série d'observations continuées sans interruption pendant plusieurs jours et plusieurs nuits serait plus fructueuse que des observations isolées faites durant plusieurs mois. Valéry Chansigo, vous le connaissiez sous cet aspect-là, oui, le magnétisme, mais il s'est emparé de tout, toujours dans cette ambition d'avoir une explication générale de, oui, tout à fait. Du monde. Le, quelque chose l'a toujours fortement... En fait, il voulait voir l'influence des facteurs, aujourd'hui on dirait abiotiques, sur les communautés vivantes. Et lors de son voyage, il va réaliser un document graphique. Et sa formation d'ailleurs aux arts graphiques ne sera pas anodine dans ce choix de cette représentation, où il va représenter les végétaux rassemblés sous des assemblages en fait caractéristiques en fonction notamment des étages. Et c'est vraiment l'un des créateurs des paysages selon le sens moderne, qui est aussi en fait un concept qui vient également des arts graphiques. On employait le mot paysage pour décrire les peintures de paysage comme genre par rapport aux peintures de portraits. Et c'est vraiment l'un des grands initiateurs de cette perception de la nature sous forme de paysage caractérisé par des assemblages, notamment de végétaux, mais aussi d'éléments qu'il pouvait mesurer avec ses instruments scientifiques. Alors depuis le début de l'émission, Mireille Gaillet, nous avons abreuvé ce cher Humboldt d'éloges. Il revient de son voyage à 40 caisses de collection, il en fait des dons, il écrit, il donne des conférences, il a un charisme incroyable, donc il intègre la société d'Arcueil, il a une dimension globale de l'homme qui va être mis en lumière. Il se lance dans une grande œuvre aussi de sa vie, on va en parler, Cosmos, mais quand même, il a bien des défauts cet homme-là. Moi, disons que le défaut principal, ce serait, est-ce vraiment un défaut d'ailleurs, mais c'est une sorte de dualité en permanente. C'est-à-dire que il faut reconnaître qu'il ne peut pas écrire tout ce qu'il veut. Son essai, par exemple, sur Cuba, où il avait quelque peu égratigné les Espagnols à propos de l'esclavage, a été interdit de publication à Cuba. Il a quand même des problèmes. Donc, s'il veut il veut publier, il veut faire connaître tout ce qu'il dit. Il a intérêt à être, je dirais, aimable et conciliant. Lorsqu'il fait une publication, la première page d'une publication. Une préface, là, il, non un frontispice. Une dédicace, pardon. Une dédicace. La dédicace. il est obligé, effectivement, lorsqu'il fait sa dédicace pour son travail en Russie, son voyage en Asie, il est contre tout ce qu'il a vu. Et bien sûr, il a eu les sciences, il a pu faire toutes ses études scientifiques, mais tout ce qui était humain, c'était épouvantable. Et il ne peut pas le refuser. On lui a payé tout le voyage. Oui, oui. Il voulait y aller. Donc il y a une dualité, besoin. C'est-à-dire donc, entre les propos qu'il tient et les écrits. Entre deux écrits. Hein, quand on a entre des lettres ou des... Il peut dire l'inverse de ce qu'il a écrit. C'est parfois un peu antinomique, voilà. D'accord. Et c'est un homme qui a aussi refusé le mariage. En fait, il avait il est homosexuel, très nettement. Même s'il a eu quelques aventures féminines dans un premier temps, non, c'est vrai. Non, non, non. On ne lui connaît pas d'aventures féminines. Il a eu des amitiés féminines, oui, avec entre autres la femme, là, justement, Henriette Ernst, là. Oui. Mais c'était vraiment là, une amitié, d'ailleurs, c'était le frère qui était amoureux d'Henriette. Oui. Et c'était vraiment une amitié extraordinaire qui a duré très très longtemps. Nous, on ne lui connaît absolument aucune aventure féminine. Et en revanche, on lui connaît des aventures masculines, dont la première, juste avant, où il a écrit une phrase en disant qu'il se garderait de toute émotion, toute sensualité, là, qu'il ferait donc ses recherches de science. Oui. Là, il a une rupture après une histoire de 3-4 ans, où qu'il l'a amené, au bord de la démence, au bord de la... peut-être même du suicide à ce moment-là. Mmh. Valérie Chansigaud, alors si vous deviez lui trouver au moins un défaut à cet homme-là, vous ? Oui, on lui a reproché, et c'est vrai quand on relit ses textes, de manquer d'organisation dans ses écrits. Parfois, les notes occupent plus de place que le texte lui-même. C'est vrai, par exemple, avec son essai sur la géographie végétale, l'appareil de notes est absolument considérable. Et c'est vrai que certains, d'ailleurs, de ses amis vont lui reprocher son manque d'organisation dans l'écriture. La formule d'Arago. Oui, tout à fait, je pensais. qui disait qu'il écrivait comme un tableau sans cadre. Arago, avec qui il avait de bons rapports. Très bons rapports, hein. C'était un ami de longue date. Oui. Valérie Chansigaud. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il n'a pas su, ou pas voulu, ou pas pu, ou un mélange des trois, faire véritablement une école, c'est-à-dire il n'avait pas vraiment de disciples. Et en fait, il a pu transmettre ce qu'il souhaitait transmettre dans ses écrits, mais il n'a pas transmis ses idées à travers des personnes qui l'auraient vraiment directement formé, comme au sein d'une école, comme ont pu le faire d'autres personnalités importantes de son temps. Je pense par exemple à Karl Ritter, le géographe allemand, qui est l'un avec Humboldt, fondateur de la géographie moderne, qui avait lui véritablement une école, une audience, un enseignement régulier. Comment on explique ça, Mireille Gaillet ? Il était professeur, Ritter, donc oui, il avait un poste et donc des élèves. Mais Humboldt a fait ça au coup par coup. Il a donné des conseils à Biot, par exemple, quand Biot, c'est... excusez-moi. C'est pas celui-là. Celui qui s'est occupé de galvanisme avec Helmholtz. Dumois-Raymond, voilà. Ouais. Il a de nouveau, quand Dumois-Raymond s'est mis à faire ses études sur le galvanisme, donc longtemps après, vers la fin de la vie, enfin, il a un bol d'avoir 60 ans à l'époque. Là, il prend contact avec lui, il leur donne des conseils, il va lui donner là beaucoup, il va l'aider, en quelque sorte. Oui, ce sera la même chose. Il a aidé ponctuellement des personnes, mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément débouché ou créé une école, des disciples presque qui pouvaient poursuivre un petit peu son œuvre. Une école en quoi? En botanique, en écologie, en géologie, en géologie. Il y a trop. Ah oui, c'est toute la difficulté du personnage. Voilà. Et en même temps, il faut voir aussi qu'il a tout étudié, toute sa vie, toutes les sciences en même temps. C'est une des difficultés d'ailleurs de raconter Humboldt. Ah oui, c'est clair. Et l'œuvre de sa vie, ce sera ce fameux cosmos qui doit tout embrasser et auquel il consacrera, à ce livre, il consacrera donc énormément, jusqu'à la fin de ses jours, il consacrera le reste de sa vie à écrire ces volumes-là. Il a eu l'influence, il a vu aussi l'influence de l'homme sur l'environnement. C'est formidable de lire certains de ses écrits et de constater que ça résonne encore aujourd'hui. Je vous propose d'écouter un dernier texte d'Alexandre de Humboldt. J'aurais pu terminer les considérations sur les pouvoirs absorbants et émissifs du sol, dont dépend en général le climat des continents et le décroissement de la chaleur dans l'air, par l'examen des changements que l'homme produit à la surface des continents. En abattant les forêts, en modifiant la distribution des eaux, en versant dans les centres de cultures industrielles de grandes masses de vapeurs et de substances gazeuses dans l'atmosphère. Ces changements sont sans doute plus importants qu'on ne l'admet généralement. Valérie Chansigaud. Alors là, c'est vraiment la partie, je dirais, qui a le peut-être qui touche les choses les plus sensibles avec notre époque. Mmh. Et il faut voir que Humboldt a eu des influences, comme je l'ai dit à plusieurs, très, très nombreuses. Et par exemple, quelqu'un, un philosophe comme Thoreau aux États-Unis, Humboldt est l'une de ses grandes références. C'est vraiment une sorte de modèle d'ailleurs à penser pour organiser d'ailleurs les propres écrits de Thoreau. Il y a vraiment une volonté de ressembler à ce maître. Et on voit bien effectivement cette proximité d'intérêt avec cette vision globalisante, avec des philosophes comme Thoreau et bien d'autres, qui vont fonder en fait l'environnementalisme tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, qui vont être les grands fondateurs, les grands pères fondateurs de cette démarche-là. Mais lui, quand même, un des premiers à déceler, à voir l'influence de l'homme sur l'environnement. On peut dire ça ? Non, c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment d'origine. Ça fait longtemps qu'on a des textes. On pourrait, j'imagine, en trouver facilement, même à l'Antiquité, où on voit des dénonciations ponctuelles. Ce qui se passe avec lui, c'est la volonté, en fait, à la fois d'aborder de façon systématique ce genre de problématique, parce que les problèmes se posent de façon globale, déjà à l'échelle mondiale, et également, comment dire, il faut imaginer que durant sa vie, le monde va considérablement changer, très rapidement changer. L'industrialisation va faire son chemin en Europe, elle a commencé en Angleterre, et en fait, ses contemporains voient l'univers être bouleversé sous leurs yeux. Les transformations sont très très rapides aux États-Unis. Donc c'est assez logique que cet homme qui veut proposer cette vision globalisante du monde trouve un écho chez ceux qui s'inquiètent de l'impact de ces transformations du monde moderne. Mireille Gaillet, il invente le mot climatologie. C'est lui. Pas uniquement le mot, la science. La science aussi. Le concept également, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, là, ça fait très longtemps depuis. Il a encore, avant son voyage, il n'est pas encore parti, où il a déjà fait. Il a remarqué que les colons disaient avoir des hivers très froids lorsqu'ils étaient partis aux États-Unis, alors qu'ils étaient à la même latitude que Naples ou que Milan. Et donc, automatiquement, il se pose des questions. Il se dit pourquoi. Et ça, c'est vraiment une constance chez lui. Il se dit pourquoi. Il cherche sa réponse, il analyse, il regarde les températures, il voit que c'est vrai et il cherche pourquoi. Et dans tout son voyage, il va beaucoup s'intéresser à l'océan. Et c'est par l'océan qu'il va comprendre le climat. Il va comprendre que la mer, avec cette masse d'eau, a un pouvoir régularisant sur le climat, sur la température de l'air. Il va comprendre qu'il y a des courants. Fameux courant de Humboldt, qui ne devrait pas s'appeler courant de Humboldt, mais courant du Pérou, mais enfin, il va l'étudier. Et oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais son nom a été donné à de nombreuses espèces, végétales, animales, courants. On le retrouve partout. Espèces animales, végétales, etc., c'est normal. En tant que systématicien, on est obligé de trouver des noms. Oui. Et je n'ai pas loupé le génote, j'ai appelé Humboldtis. Bon, parce que c'est toujours un problème. Courant, alors il y a un courant Humboldt. Oui, le courant de Humboldt est le courant qui longe les côtes du Pérou, ce courant froid dont on entend parler régulièrement tous les 7 ans parce qu'il a une confrontation avec le Niño, là. Et ce courant froid, il était connu depuis très longtemps. Acosta faisait refroidir ses boissons dans l'eau de mer. Donc lui, le problème, c'est que lui, il vient et il constate. Il mesure la température à l'intérieur, il mesure la température à l'extérieur du courant. Il cherche à comprendre pourquoi ce courant refroidit. Et il comprend aussi que ce courant, c'est lui qui donne du brouillard sur la côte. Ce ne sont pas les Andes avec leur neige éternelle qui colle un brouillard sur la côte au niveau de Lima. C'est la faute au courant. Même que s'il fait plus chaud en Europe, c'est à cause du Gulf Stream. Bon, mais écoutez, en tout cas, pour vraiment aller plus loin dans cette découverte, parce que l'émission de la Marche des Sciences ne suffit pas, bien évidemment, face à un personnage de cette envergure. Donc, il est mort en 1859. Il a été pleuré par le monde scientifique, c'est une évidence. Aujourd'hui, il est, me semble-t-il, un petit peu oublié d'un public plus large. Je pense qu'on pourrait le remettre sur le devant de la scène. Et dans ce boulimique encyclopédique, savant universel, Mireille Gaillet, on conseille enfin votre livre qu'on peut trouver surtout sur internet en vente, parce que Vuibert enfin aura peut-être en projet de le rééditer, ce serait une bonne chose. Votre livre Alexandre de Humboldt, le dernier savant universel, donc c'était c'est paru chez Vuibert en 2006. Valérie Chansigo, on va conseiller vos deux livres, l'histoire de l'ornithologie paru chez Delachaux et Niesley, et puis redites-moi le premier, je l'ai sous les yeux, voilà, histoire de l'illustration naturaliste chez le même éditeur. Et puis surtout, eh bien, sachez que les éditions Slatkin ont sorti cet été, depuis donc le mois d'août, Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Monde de Alexandre Humboldt et Mes bons plans en 13 volumes. C'est un peu cher, un peu plus de 700 euros les 13 volumes quand même. Merci Jean-Christophe Lebert pour nous avoir fait revivre ce Humboldt magnifique. Et puis toutes les références bien sûr sont à retrouver comme d'habitude sur notre site www.franceculture.com, rubrique La Marche des Sciences. Vous pouvez désormais aussi y déposer vos commentaires, n'hésitez pas. Tout de suite, seconde partie de La Marche. Et toujours avec le même plaisir, une fois par mois, La Marche des Sciences est en partenariat avec le magazine Pour la Science, qui fait sa une ce mois-ci sur le monde quantique et qui pose aussi d'autres questions. Superbactéries, les récentes épidémies ne sont-elles qu'un début? Ou encore les insectes, un réservoir de médicaments? Point d'interrogation, une question qui va nous intéresser, sachez-le, la semaine prochaine, jeudi prochain, puisque nous raconterons la saga des médicaments. Mais aujourd'hui, partie 2 de l'émission, c'est Danielle Gesquier-Pourcin que nous accueillons. Elle est en duplex de France Bleu Nice. Bonjour Danielle Gesquier-Pourcin. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche à l'INSERM, membre du RESEIS, c'est du CNRS, donc c'est à l'Université Paris 7, et auteur d'un article dans la revue de ce mois-ci, donc dans la revue Pour la Science, auteur d'un article étonnant qui donc traite de la gale et nous raconte de quelle façon est-ce que l'affaire de la gale, il y a une affaire, nous emmène dans l'histoire des idées, l'affaire de la gale, histoire d'un concept scientifique, c'est le titre de votre article. Alors, il faut peut-être tout d'abord rappeler la gale. C'était une maladie identifiée avant le 19e siècle. Rappelez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on en savait? Oui, on connaissait la maladie de la gale depuis l'Antiquité, mais on n'en connaissait pas la cause. Et c'est au XVIIe siècle que pour la première fois, on a identifié un animal qui est un arthropode comme la cause de la gale. Mais en fait, il y avait d'autres théories qui s'opposait à cette acceptation d'un animal vivant comme cause d'une maladie, qui était la maladie spécifique. Et ce sont d'autres théories qui ont repris le dessus. Et en fait, c'est au moment de la thèse de Galès en 1812 que on reparle du sarcopte de la gale. Oui, parce que donc il faut dire, cette histoire de la gale, l'affaire de la gale que vous évoquez dans cet article, c'est donc l'histoire d'une fraude qui aurait été commise en 1812 par un étudiant, Jean Chrysanthe Galès, né en 1783, mort en 1854, et on lui reproche donc une falsification. Et vous, ce que vous avez démontré, c'est que c'est une erreur finalement. Cette falsification n'a pas forcément existé, mais tout ce qui est impliqué en cause, c'est juste l'histoire des idées, au fond. Donc, oui. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit, lui, concrètement, dans sa thèse? Eh bien, il avait dit que le sarcopte de la gale, enfin, que la gale était une maladie qui était due à un acarien, un arthropode, oui. Un arthropode, oui, c'est pareil, oui. Un arthropode qui creusait des sillons dans la peau afin d'y déposer ses œufs. Et que le tissu réagissait en formant des vésicules d'abord, qui étaient remplies d'un liquide séreux transparent, et que si la gale n'était pas soignée, ces vésicules grossissaient, devenaient des pustules. Et c'est pour ça que Alibert, qui était le directeur de thèse de Galès, avait nommé la gale Psoris pustulosa, c'est-à-dire Psoris pustuleuse. Alors, ce que avait fait Galès, c'est qu'il avait extrait le sarcopte des vésicules de gale. Il l'avait observé au microscope et il avait comparé son aspect à celui à l'aspect des animaux identiques qui avait été publié avant lui. Oui. Et ensuite, il avait, pour le différencier de la mythe de la farine, qui était une, qui avait un aspect très similaire, il avait, il s'était inoculé les deux animaux en montrant que seul le sarcopte de la gale donnait la maladie. Et alors, ce qu'on va lui reprocher, c'est on va lui dire, mais non, c'est impossible, il a confondu avec la mythe de la farine, parce que là où il a fouillé, cherché, il n'a pas pu trouver le sarcopte, c'est ça ? C'est ça. Il y avait deux reproches qu'on lui faisait. C'est d'abord d'avoir, qu'on ne retrouve pas le sarcopte après lui, et aussi que les dessins de la... Enfin, il y en a trois, alors, finalement. Oui. Que les dessins de sa thèse représentent la mythe de la farine, qu'il est très facile de se procurer dans de la vieille farine ou du vieux fromage. Et aussi, on lui reprochait d'avoir trouvé le sarcopte dans les pustules de gale où il ne se trouve jamais. D'accord. Donc ça, c'était vraiment l'affaire éclate. On dit falsification. Mais vous, en travaillant sur cette histoire, sur l'avant, en remontant donc 7 siècles auparavant, en travaillant sur l'après, vous vous rendez compte que finalement, ce pauvre étudiant n'avait pas forcément fait d'erreur ou falsifié ses travaux, mais que c'est un enchaînement d'évolution des idées et les barrages intellectuels qui expliquent l'erreur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Encore que je ne sois pas sûre que Galès n'ait pas été oui, coupable. On n'a pas de certitude. Oui. On n'a pas de certitude parce que c'était un personnage qui était quand même assez déplaisant. Et alors, dans les obstacles, rapidement, parce que l'heure tourne, mais dans cette histoire d'obstacles épistémologiques, qu'est-ce qui a le plus fait de mal à Galès, au fond ? Ce qui a fait le plus de mal à Galès, c'est bien difficile à dire parce qu'il a dû rencontrer à peu près une dizaine d'obstacles épistémologiques dont le premier a été la théorie humorale, c'est-à-dire que la maladie qui a duré très très longtemps jusqu'au 19e siècle et qui disait que la maladie était due à un déséquilibre des humeurs. Et cette théorie humorale venait de la médecine grecque. Et elle était acceptée par la médecine arabe. Alors, dans cette théorie, le sarcopte est en quelque sorte un effet secondaire. Parce que la maladie est le déséquilibre des humeurs. Et pour la soigner, il suffit de soigner le déséquilibre. Mais en tout cas, on pourra retrouver toute cette histoire, l'affaire de la gale. Est-ce qu'on sait ce qu'est devenu juste rapidement l'étudiant en question ? Oui, alors, quand il a soutenu sa thèse, Galès était pharmacien en chef de l'hôpital Saint-Louis, mais il était aussi l'inventeur d'une méthode de fumigation, avec un appareil qu'il avait construit lui-même, des fumigations sulfureuses qui soignaient la gale. Bon, donc il a poursuivi dans son activité, alors ? Non, enfin, si on veut, parce que dès que... Je peux rajouter une... On a plus le temps, Daniel Jesquier, pour ça. Mais en tout cas, nos auditeurs pourront retrouver votre article, l'affaire de la gale, histoire d'un concept scientifique, dans le magazine Pour la Science, le numéro de septembre, et en découvrant toute cette marche des idées très éclairante. Et puis, je cite votre livre, Itinéraire des idées, l'affaire de la gale, c'est chez Hermann et c'est sorti cette année, en 2011. Toutes les références sur notre site, bien sûr, franceculture.com. Est-ce que je ne peux pas rajouter une conclusion ? Et non, l'heure tourne, Daniel Jesquier pour Sainte. C'est la fin de la marche des sciences. On reviendra avec vous et sur votre livre, bien sûr, pour nos auditeurs. On se retrouve jeudi prochain, en tout cas, pour arpenter la saga des médicaments avec les historiens Yves Landry et François Chaste. D'ici là, autre rendez-vous Science Demain avec Michel Berganti et Science Publique. Et puis, dans quelques minutes, l'émission bien connue des auditeurs de la chaîne, mais désormais le jeudi à 15h, Le Bien Commun d'Antoine Garapon. Merci à toute l'équipe, à la technique Tar Bouflika. Je vais y arriver. Et puis, à la réalisation, Pascal Raillé. Bel après-midi, à jeudi.